dang du ding dang ding dang dang di lang di dong dang ding dang twang di lang di dong dang dang dang dang di lang di dong dang dang tapa tapa tapa du ding tapa du di ta du du ta de du te di di patou et qui c'est qui l'a dans le dos toi tapa tapa tapa du ding tapa du di ta du du ta de du te di di patou et c'est toi qui l'a dans le dos. Qui a dit je boufferai que du caviar? C'est des petits œufs, je les mange à la coque. Je les fous en l'air quand ils sont trop noirs. Et j'en achète d'autres. Ben, si t'avais été moins vantard, t'aurais dit je bouffe que des pommes de terre. Et le soir, s'il fait du ventard, je prends un bol d'air. Tapa tapa tapa toudi, tapa toudi à ta toudou. T'as des doutes et dit pas tout. Et qui c'est qui l'a dans l'eau? Quoi? Tapa tapa tapa toudi. Ta patouille à ta doudou, ta tes doutes et qui dit pas tout, et c'est toi qui l'as dans le dos. Ti a dit mon papa les riches, il a des dents d'or, il met des cravates. Ma maman met des plumes d'Autriche et s'effile les pattes. Ben, si t'avais été plus modeste, t'aurais dit que ta mère elle est modiste et que ton papa l'empeste parce qu'il est lampiste. Ta patapa ta patouille, ta patouille à ta doudou. T'as des doutes et qui dit pas tout, et qui c'est qui l'a dans le dos? Toi, tapa tapa tout dit à ta doudou. T'as des doutes et qui dit pas tout, et c'est toi qui l'a dans le dos. T'y a dit j'ai une maison, tapissée partout, même dans les toilettes, avec la télévision, montée sur roulette. Ben, si t'avais été plus honnête, sans dire des sornettes sur ta maisonnette, elle aurait sonné ta sonnette. Pour t'offrir son nez. Tapa tapa tapa tout dit. Tapa tout dit à ta doudou. T'as des doutes et dit pas tout. Et qui c'est qui l'a dans le dos? Quoi? Tapa tapa tapa tout dit. Tapa tout dit à ta doudou. T'as des doutes et dit pas tout. Et c'est toi qui l'a dans le dos. Dilan dilum dam ding dang down, dilan dilum dam ding dang down, dilan bing bang dang ding down, dilan dilum dam ding. Dilang dilum dang ding dang dang.